Ouais. Nathan. Royano. Red Parfait 2009, mec. T'inquiète, on est de retour. Ouais. Évite d'arriver dans le secteur. Nous on n'a pas peur, 59 lèvres sont majeurs. Si t'as pas remarqué, tu peux pas nous tester ou tu risques de chialer. Ouais. Petit PD, tu te prends pour qui? Pour aller raconter qu'on sait pas rapper. On est peut-être amateur, mais nous on n'a pas peur. Nous on te chie dessus, tu seras pas déçu. T'as voulu nous chercher, t'as voulu nous traiter, dire qu'on savait pas rapper. On t'a retrouvé à moitié défoncé. On a voulu t'aider. Tu nous as enculé. On va Nathan te dépouiller. Ouais, Nathan. Méfie-toi si tu crois avoir des amis. Ils savent bien profiter de ta générosité. Une fois t'avoir bien eu, tu te retrouveras sur le cul. Ne te laisse pas aller pour pas le regretter. Ouais, Nathan. Ouais. Méfie-toi si tu crois avoir des amis. Ils savent bien profiter de ta générosité. Une fois t'avoir bien eu, tu te retrouveras son cul. Ne te laisse pas aller pour pas le regretter. Ouais, Nathan. Juliano. C'est du son pour les potos. On nique tous les fachos comme escrocs. Ouais. Ouais. C'est ça, rien à parfait, on en a rien à foutre. C'est tout, on nique tout, ouais, Nathan. C'est pas pour autant qu'on est élégant. On n'est plus des enfants, y'a plus rien de marrant. Ouais. Méfie-toi si tu crois avoir des amis. Ils savent bien profiter de ta générosité. Une fois t'avoir bien eu, tu te retrouveras son cul. Ne te laisse pas aller pour pas le regretter. Ouais. Méfie-toi si tu crois avoir des amis. Ils savent bien profiter de ta générosité. Une fois t'avoir bien eu, tu te retrouveras son cul. Ne te laisse pas aller pour pas le regretter. Ouais. C'est ça, mec. Rien de parfait 2009, Nathan Juliano, mec. Et ouais, on est de retour, gros.